Merci. Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Dans une entrevue qui sera mise en ligne aujourd'hui, le commissaire de la Ligue de hockey junior du Québec, Gilles Courteau, était sur les ondes de DanRadioSport.com où il a parlé évidemment de sa sortie dans le Journal de Québec. Et selon le commissaire de la Ligue, c'était pas quelque chose qui était planifié par l'organisation des Saguenayens par en arrière. On va écouter là-dessus Gilles Courteau. Dans la situation, avant de commenter, pour moi, quand j'ai parlé d'avoir un amphithéâtre neuf à Saguenay pour l'équipe des Saguenayens, c'est bien entendu que je pense sur quelque chose à long terme pour le bénéfice des amateurs, pour le bénéfice de l'équipe comme telle et de s'assurer qu'ils vont être en mesure d'opérer à Saguenay pendant plusieurs années. Et l'avenir des Saguenayens passe par un nouvel amphithéâtre. Explique Gilles Courteau. Oui, ça prend ça pour être conforme avec les exigences de la Ligue. C'est une situation qui va faire en sorte à ce qu'on puisse être capable d'opérer. C'est quelque chose que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas revisité au niveau de la capacité assise. Il n'est pas dit qu'on regardera pas ce dossier-là dans un avenir rapproché, mais au moment où on se parle, c'est effectivement ça, 3500. Les élites de Jonquière ont perdu 3-2 contre les Lions du Lac-Saint-Louis. Ce qu'il faut mentionner dans le match, c'est que Mickey Sim à Wachish de Mastouillache a marqué un but dans la défaite. Parlons maintenant de la Ligue Simple Lettre. Il y avait des matchs qui nous intéressaient cette semaine dans les différentes ligues de hockey. D'abord, à noter que du côté de la novice A, les Castors de Beaumont-Sisny ont gagné 3-1 sur les Sabres de Roberval et les Castors ont gagné 12-1 sur les Bulldogs de Saint-Félicien. Catégorie novice B, les Coyotes de Beaumont-Sisny ont vaincu les Sénateurs de Saint-Félicien 6-1 et ces mêmes Castors ont perdu 8-2 contre les Éperviers de Normandin et verdict nul de 7-7 entre les Castors et les Coyotes de Dolbeau. Les Loups de Beaumont-Sisny ont perdu 7-2 contre les Hurricanes de Mastouillache et ont gagné 3-2 sur les Sénateurs de Saint-Félicien. Tant qu'aux Hurricanes de Mastouillache, ils ont vaincu les Éperviers de Normandin 4-2. Dans la catégorie Novice A, les Bulldogs de Saint-Félicien ont battu les Sabres d'Orberval 1-0. Et autre gain des Bulldogs 1-0 sur les Éperviers du Lac-Saint-Jean-Nord. À Tombe Bay, les Hurricanes de Mastouillache ont vaincu les Sénateurs de Saint-Félicien 3-2. Et autre gain des Sénateurs 3-2 sur les Girondins d'Allemagne. Et puis oui, affiche de 500 pour les Sabres d'Orbeval. Les Sabres qui ont gagné 7-2 sur les Loups de Lac-Saint-Jean-Nord. Et les Bulldogs de Saint-Félicien ont battu les Sabres 7-2. Tant qu'au Royal de Métabetchouan, ils ont gagné 3-2 sur les Loups de Lac-Saint-Jean-Nord. Et les Aiglons d'Allemagne ont défait les Bulldogs 4-1. Et en Pee-Wee B, gain des Éperviers de Lac-Saint-Jean-Nord 6-2 sur le Royal de Métabetchouan. Et les Sénateurs de Saint-Félicien ont vaincu le Royal de Métabetchouan 3-1. Et en terminant, c'est la période de recrutement au football collégial. Les Cougars de Chicoutimi ont recruté Simon Grimard, qui est un joueur de ligne offensive qui s'alignait avec les Centurions de la polyvalente 80. Donc, c'est le premier d'une longue liste de joueurs qui vont s'aligner avec ou qui va s'enrôler avec nos différentes équipes collégiaux. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Pierre Arsenault, dépisteur des Marlins de la Floride. On sait qu'il y a une transaction imminente qui entre Giancarlo Stanton chez les Marlins. Pierre Arsenault vient nous parler du moral des troupes et des employés de bureau des Marlins, depuis également que Derek Jeter est propriétaire des Marlins. Également, je me suis entretenu aussi avec plusieurs autres intervenants dans le monde du sport. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com. On s'en occupe.